et choisis tes envies. Change de route. Laisse tes doutes dans la nuit, laisse tes doutes dans la nuit. Change de route. Change des coups de joue de ta vie, change des coups de joue de ta vie. Allez, ouvre tes volets, laisse le soleil. Il faut fermer la télé, voir des gens à qui parler, sourire. Et sourire. Pas de rêve qui s'achève, pas de trêve qui te lève. Chant d'horreur. Trop sale.